sous la lune de l'ouest. Mes bottes traînent, le sable parle, chaque pas m'entraîne. Vieille harmonica dans mes poumons. Rider's kill cowboy, je trace l'horizon. Salon de matin, le piano s'éteint, vieil whisky amer, je tends la main, les bandits murmurent mon nom dans la nuit. Riders qui l'avancent, personne ne fuit, les chevaux hennissent, les éperons claquent sur le beat du désert, ma voix s'attaque. Chaque duel m'a forgé dans le feu, des cicatrices chantent dans mes yeux. La poussière s'élève quand je prends ma place, cowboy drill gravé dans la crasse. Oh. Poussière tombe et ma voix demeure. Rider's kill cowboy, roi du labeur. Et